sont jolis lovers. Trop de losers, prêt pour la dose over. Je m'applique pour rester fort, mêle. Juste pour être en forme ciel. Grave dans mon ciel ou dans mon lycée. Que t'es au whisky et moi à l'hydromel. Mortel, mon pote, c'est pour les mecs d'art. File ton frontel, appelle ta go, qu'elle coûte ton nectar. Ici ou à l'hôtel, je mettrai mon player sur le secteur. Je prendrai un cocktail, je laisserai que le meilleur sur le lecteur. Jambes sur les orteils. Please shake your body, excited to me. These guys from my baby, them love me, hobby. Stop here, standing here around you. Through my mind, you see the bees are true. Please shake your body, excited to me. These guys from my baby, them love me, hobby. Stop here, standing here around you. Through my mind, you see the bees are true. Laisse les pros faire, laisse les vieux guys dans l'oubli. Sur la piste, écarte ceux qui t'écœurent. Fais de la place au breaker, PO fait zoom. C'est nouveau, tu connais pas ta tout faux. C'est fil, poil dans la tendance. Et sa peine, c'est dans les cerveaux. C'est quasi électro, sans risque. Sur tous les disques biotech, style hypnotech. Ça vient de chez moi, mais pas sans discothèque. On sort les gros, girl t'es trop seul. Viens à ma table, bouge ton body devant mes grosses gueules. Serre-toi un caillou, de rage en S6. Fin de passer sur Fun ou M6. Anti-commercial, nique les majors et leur M6. Ça va tonner, tonner, tu le sais. Viens là pour tout expulser. Schizo face à Delix, le nouveau son qui vient de pousser. Please shake your body, excited to me. Please guys from my baby, then love me, hobby. Stop here, standing here around you. Through my mind, you see the bees are true. Please shake your body, excited to me. Sexy gal, rien ne va plus des caissiques, c'est Al. Garçon, j'arrive comme une balle. Prends tes clics et tes claques en balle. C'est agent SX pour les proches. Blindé d'argent dans les poches. T'en manges que des quintes, floches. À chaque manche, c'est moi le boss. Ben ouais. Please check